Magic Histoire, le podcast du comité d'histoire régionale de la région Grand Est. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la conférence « Les momies dans l'imaginaire ancien » avec l'historien David Amidovitch, l'autrice Vanessa Desclos et Pierre Suer, membre de l'association Histoire d'en parler, dans le cadre de l'édition 2024 du festival Les Imaginables. Bienvenue à ce stand donc, organisé par l'association Histoire d'en parler que je représente, une association qui a pour but de rendre accessible l'histoire et la géographie, une association qui est basée à Nancy et à Épinal. On propose toutes sortes d'actions pour rendre accessibles ces matières très populaires. Et aujourd'hui, dans le cadre des Imaginales, on est très fiers de participer à cette table ronde sur l'histoire et la représentation des momies dans l'imaginaire ancien. Donc on vous propose une réflexion avec deux intervenants qu'on remercie chaleureusement. Vanessa Desclos, qui est conservatrice des bibliothèques à la Bibliothèque nationale de France sur les collections plutôt de l'Égypte antique. Et David Amidovic, qui est professeur à l'Université de Lausanne et professeur plutôt spécialiste de l'Israël ancien. Et on va avoir toute une réflexion qui dure une quarantaine de minutes sur les momies et les représentations qui y sont associées. Plutôt dans l'imaginaire ancien, on a fait le parti pris de se dire on va parler de choses qui sont peut-être moins connues que les momies dans la culture actuelle, qui sont extrêmement présentes dans énormément de représentations. Mais on va plutôt vous parler peut-être de qu'est-ce que c'est une momie, comment ça fonctionne, comment on travaille le cadavre, et avec des comparaisons entre l'Égypte et l'Israël ancien. Et donc on vous propose une réflexion qui va être organisée autour de cette thématique. Et à l'issue de la présentation, il y aura évidemment un temps d'échange qui sera prévu avec la salle. Et donc, je vous en prie, vous pouvez peut-être nous présenter qu'est-ce que c'est une momie, qu'est-ce qu'on entend par le terme de momie. Je ne sais pas qui parmi vous veut commencer, Vanessa Desclos, sur la présentation d'une momie et du traitement peut-être du cadavre. Qu'est-ce que c'est en l'occurrence. Alors, bonjour à tous. Merci d'être là. Et effectivement, quand on parle de momie et de momification, assez régulièrement, on l'associe naturellement à l'Égypte ancienne, même s'il y a plein d'autres civilisations qui ont pratiqué des traitements du corps sur le corps défunt. Cette idée du traitement du cadavre et de la momie et du fantasme de la momie qui n'est pas tout à fait morte, faut savoir que c'est un mythe qui commence dès l'Antiquité, en fait, dès les premiers siècles du christianisme en Égypte, ce qu'on appelle les Coptes. On a dans les histoires de vie de saints coptes, ce qu'on appelle la géographie, le saint Pisantios qui noue un dialogue avec une momie, forcément païenne, qui se plaint de ne pouvoir être en repos, ce qui est justement le but des rituels funéraires égyptiens. Et évidemment, le saint récite une prière d'apaisement et miracle, la momie retrouve enfin la paix. Donc vous voyez, cette momie toujours vivante qui peut revenir hanter et tourmenter les vivants a vie longue. Et donc, en effet, le cadavre reçoit un traitement spécifique en Égypte ancienne car il est conçu comme le support physique indispensable pour réunir l'ensemble des concepts immatériels constitutif de l'homme. Donc cinq éléments, l'âme ba qui vise à donner la liberté de mouvement, l'âme ka qui définit la capacité à se nourrir et donc à bénéficier des offrandes, l'intellect, ib, le nom et toute sa vie, la renommée, la réputation qu'on s'est acquis tout au cours de sa vie, donc ren, et l'ombre shout. Ces cinq éléments se trouvent pouvoir s'ancrer à nouveau dans le cadavre, et sans cadavre, c'est un risque d'anéantissement. Donc, pour cette survie, il va falloir accomplir différents rites et équiper le défunt pour lui permettre justement d'aller au-delà de la mort. Et vous voyez à quel point le cadavre va être un élément indispensable. Voilà, c'est à mon tour. Bonsoir à tous et à toutes. Merci aussi à Histoire d'en parler pour l'invitation. Et donc, j'ai le plaisir de vous montrer, si vous réussissez à voir derrière moi, la version low cost de ce que vient de dire ma collègue, puisque en fait, on se situe, aujourd'hui, j'ai plus besoin de le situer, dans la bande de Gaza, ou dans la bande de Gaza, dans des fouilles illégales, en fait, on a découvert ce type de sarcophage en terre cuite, Et donc, ça vous rappelle évidemment tout à fait étrangement ce que ma collègue vous a montré sur l'Égypte, avec des beaux sarcophages dorés ou autres, sauf que là, il n'y a que de la terre cuite. Et donc, si vous regardez bien, il y a un petit couvercle, en fait, qui correspond un petit peu au corps, à la tête. Et donc, on peut enlever le couvercle et on met, non pas la momie, parce qu'on est dans la version low cost, c'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité d'embaumer, etc., de retirer, mais on met le cadavre tout seul à l'intérieur, on referme et on enterre. Donc, ça vous montre, si vous voulez, que ce qu'a dit ma collègue dans le monde égyptien, va être transféré, puisque c'est ce qu'on parle aujourd'hui non plus d'influence ou d'acculturation ou même de synthèse, de fusion, on parle de transferts culturels qui vont être adaptés dans une autre culture. Et donc les Gazaouis, en fait, qui ont ces traditions, alors je ne sais pas si vous voyez la date, mais à une très haute antiquité, on a la fin de l'âge du bronze, en 14e, 13e siècle avant l'ère chrétienne, eh bien, vont réadapter finalement ces coutumes funéraires égyptiennes pour finalement les transposer dans leurs conditions matérielles, puisque c'est ce qui a été dit, qui sont finalement beaucoup moins évidentes que dans le delta du Nil. Ils ont beaucoup moins de moyens, ils n'ont pas d'or, etc. Probablement, il n'y a pas de gens véritablement spécialisés, donc ils font un petit peu ce qu'ils ont vu, ils imitent un petit peu ce qu'ils ont vu ou perçu en Égypte. Et donc, dans ce que vous a dit ma collègue, c'est que derrière tous ces rites, il y a normalement un sens. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des rites comme ça au hasard. Évidemment, le problème de l'archéologie, c'est que si vous n'avez pas de texte, d'inscription, eh bien, vous ne savez pas quel est ce sens. Alors, on peut juste imaginer qu'il y a un sens qui peut-être était assez proche de ce qu'il y avait en Égypte. Vous voyez, on n'est plus du tout à fait dans la culture égyptienne. On est à la frontière entre différentes cultures. On n'est pas encore dans le judaïsme au 14e, 13e siècle. On est dans ce qu'on appelle, alors en histoire, faute de mieux, la religion cananéenne. Donc, c'est-à-dire en fait ce qui se passe à peu près partout dans le Proche et le Moyen-Orient, sur la côte. Donc on adapte des coutumes locales avec finalement les coutumes de finalement le monde égyptien qui a tendance à rayonner, y compris militairement, jusque dans ces régions de la bande de Gaza, même un peu plus haut, puisque ça va jusqu'au Liban actuel, au 14e, 13e siècle avant l'ère chrétienne. Oui, peut-être pour préciser, effectivement, là on va parler plutôt des espaces israéliens, égyptiens, mais que les momies existent dans différentes civilisations dans le monde entier et que c'est un champ immense en fait en termes temporels. On couvre plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, et sur le continent américain également, vous avez des momies. Et là, pour le coup, ça vient sur ma question suivante. Pour le coup, il n'y a pas de transfert culturel d'une pratique à l'autre. Comment on voit différentes pratiques de cadavres, de momification, et est-ce qu'on a des témoignages de circulation, d'influence, et comment on peut les identifier, comment on peut les observer? C'est moi qui réponds, non? Allez, rapidement. Alors rapidement, en fait, c'est une question importante, c'est-à-dire que c'est la limite aussi des données archéologiques. On voit que d'un point de vue iconographique, il y a de la reprise de différents éléments, de différents symboles, vous voyez que ce n'est pas exactement les mêmes à chaque fois. Après, comment les gens comprenaient ce qu'ils étaient en train de faire? Évidemment, on a besoin de textes, etc. Il faut savoir que dans ce qu'on appelle l'Israël ancien, dans cette région-là, en fait, l'écriture n'arrive qu'à la fin du 11e, 10e siècle avant notre ère. Là, on est au 14e, 13e siècle avant. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de texte, il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien du tout. Donc évidemment, le risque aujourd'hui, ça serait d'interpréter pour dire que ce sont finalement des Égyptiens qui auraient, etc. Alors aujourd'hui, en archéologie, on fait très attention à ne pas faire ce type de détails, on contextualise. Et donc ce que j'ai dit, c'est qu'à l'intérieur, parce qu'on a découvert dans certains de ces sarcophages en terre cuite, à l'intérieur, on a découvert des cadavres, parce que c'est le sujet de cette première partie. Et là, il n'y a pas du tout de momie au sens où, égyptien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de préparation du cadavre. On l'a mis à l'intérieur. On sait déjà à ces époques-là, probablement, qu'il faut très rapidement enterrer le corps pour éviter qu'il y ait des épidémies qui se développent. Mais évidemment, ici, il y a un traitement, je dirais, matériel qui est lié à une culture qu'on pense, alors pour ça, j'ai dit un peu vulgairement low cost, mais on voit bien qu'il y a une influence égyptienne, mais aujourd'hui on parle plutôt de transfert culturel, parce que ça veut dire que localement, on pourrait aussi avoir des croyances locales qui, dans cette région-là, aient pu aussi intégrer finalement le monde de l'Égypte, du delta oriental du Nil. Donc ça reste à vérifier. Alors, pour revenir sur le traitement du cadavre, effectivement, en Égypte ancienne, on a notamment les sources importantes de l'historien grec Hérodote, qui a voyagé en Égypte en 450 avant notre ère. et qui a pu interviewer, si on veut, des prêtres pour, sur leurs pratiques. Et on sait qu'il existe une différente gamme de traitement du cadavre, on va dire le moins low cost, je ne sais pas comment on dit quand ce n'est pas low cost, le VIP traitement, c'est en fait de purifier le cadavre, de gratouiller le cerveau à l'aide d'outils crochets pour enlever tout ça, à l'aide de produits aussi, de drogues pour dissoudre l'intérieur. On pratique une incision sur le flanc à l'aide d'une pierre tranchante pour enlever les viscères et on nettoie le cadavre avec du vin et des aromates. Et ensuite, on va le bourrer avec de la myrrhe, de la résine, de la cannelle, des parfums, donc un traitement assez coûteux, avant de tout recoudre et laisser dessécher le cadavre 70 jours dans du natron, le laver à nouveau et l'emmailloter dans des bandelettes elles-mêmes imprégnées de gomme résine. Donc vous voyez, tout ça, il faut du temps, tout en récitant des formules et des rituels. Donc le traitement le plus basique, c'était d'injecter un fluide à l'aide d'un système en passant par les voies naturelles. On ne pratique pas d'incision, tout se vide. Désolée pour la promenade repas, digestive. Voilà. Et ensuite, vous laissez dessécher dans du natron. Et des fois, il y a des momies qui sont mal faites. Hein. On sent qu'on a un peu bâclé le travail. Le dessèchement n'a pas été fait jusqu'au bout, ce qui explique les différents stades de préservation que vous pouvez voir dans les musées à l'heure actuelle. Et donc, les gens qui n'avaient pas les moyens se contentaient d'enterrer le cadavre dans le sable en espérant que ça fasse son office d'une autre manière. Et au jour des funérailles, c'est ce que vous voyez sur la vignette du centre, hein, c'est l'étape finale où on dresse la momie devant la tombe et où on récite les dernières formules pour que la momie regagne ses cinq sens, ses cinq éléments constitutifs de sa personnalité. Et il y a une diapositive qui montre la formule pour la liberté d'aller et venir. Ça veut dire qu'il y a un sens qui est associé à ces rituels, évidemment. Est-ce qu'on a une idée d'à quoi pouvait servir ce phénomène et puis comment ça s'explique et est-ce qu'on a des témoignages de ça, des recettes de ce qu'il faut faire, pas faire, de, entre guillemets ? Je vais à nouveau reprendre la parole et le lier justement à tout cet imaginaire de l'au-delà en Égypte ancienne. Donc, effectivement, tout ça vise à ce que le défunt soit associé au dieu Osiris, le premier à avoir connu, franchi toutes les étapes de la vie, enfin justement pour regagner une certaine forme de vie dans l'au-delà et une certaine forme de résurrection. Donc en assimilant le défunt au dieu Osiris, on lui souhaite de connaître le même devenir et d'arriver à avoir le succès qu'a eu le dieu pour garantir sa survie dans un au-delà. Et différentes formules, rites vont accompagner cette transformation du cadavre en mort magique puissant, à nouveau capable d'agir dans l'au-delà et un petit peu sur Terre. Donc la dernière étape, on connaît les textes des pyramides. Le texte peut-être le plus connu, c'est ce qu'on a appelé longtemps le livre des morts, qu'on a en fait ces différents livres qui existent funéraires. On va parler par exemple du livre pour sortir au jour. Et cela décrit différentes périodes. Les premières formules concernent en fait une action conjointe du vivant sur Terre en train de faire les rites autour du cadavre depuis sa momification jusqu'aux funérailles, pendant que le mort, lui, subit déjà les premières épreuves. C'est pour ça que cette période de 70 jours est importante aussi. Dans un premier temps, il s'agit pour le cadavre de revenir à lui et d'acquérir une liberté de mouvement, donc se dégager de la rigidité cadavérique. Et dans un deuxième temps, il va regagner l'ensemble de ses composantes pour être conscient et avoir une certaine liberté d'action. Ensuite, il commence les rites de ce qu'on appelle de transfiguration en traversant ces différentes épreuves. Là, vous, par exemple, en haut à droite, vous avez les différentes buttes dont il doit connaître le nom absolument pour franchir les étapes dans le royaume de l'au-delà. C'est pour ça que c'est tout ce matériel inscrit d'amulettes, de masques, etc., et de papyrus. C'est aussi bien pour le protéger que pour lui servir d'aide-mémoire et de guide, parce qu'il faut en connaître des noms pour franchir toutes ces portes dans l'au-delà. Et comme ça, peu à peu, il a atteint le droit de rejoindre la barque du dieu soleil, qui lui-même fait un trajet de jour, mais aussi de nuit dans le monde souterrain, et qui va pouvoir traverser les différentes étapes pour enfin parvenir devant le tribunal d'Osiris, faire sa confession négative, dire qu'il n'a commis aucun des 42 tabous devant les 42 assesseurs, pour pouvoir atteindre ce statut de Har, de mort transfigurée, magique, qui peut à nouveau agir et à bénéficier d'un séjour des bienheureux dans le champ des souchés, aux cultures toujours abondantes, mais aussi à pouvoir revenir, sortir au jour, c'est-à-dire réaccéder sur Terre via sa chapelle funéraire, aux offrandes que vont lui faire ses proches, et ensuite pouvoir aussi intercéder pour les vivants dans l'au-delà. Voilà, donc c'est le match Égypte, vous le voyez, reste du monde, enfin reste du Proche-Orient ancien. Nous, on n'a pas encore à cette époque-là de mythe explicatif d'une des grandes questions de l'humanité, parce qu'on ne l'a pas dit au début, mais c'est quand même pourquoi est-ce qu'on garde le cadavre, en fait, tout simplement parce que depuis la nuit des temps, il y a une grande question dans toutes les civilisations qui écrivent ou qui n'écrivent pas, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort ? Et oui, c'est une grande question jusqu'à aujourd'hui. Et dans les réponses qui sont trouvées, malheureusement, quand il n'y a pas de texte, c'est difficile de le savoir. Et donc encore, regardez ici, vous avez une tombe qui est une femme, en fait, le cadavre d'une femme, enfin ses ossements, avec un chien. Et on est à une très très haute antiquité, puisqu'on est dans la préhistoire, entre 14 000 et 11 700 avant Jésus-Christ. Le risque, là encore, c'est de transposer, si vous voulez, nos conceptions modernes. Vous la voyez, elle est enterrée tout en haut, il y a son chien, probablement. Et donc, on peut se dire, oh là là, il y avait déjà un sentiment animal, on s'enterrait avec son chien, etc. En fait, on n'en sait rien. C'est-à-dire, peut-être que le chien, il est tombé dans la fosse comme ça en passant, avant qu'on recouvre. Donc, on peut imaginer plein d'hypothèses, si vous voulez. Donc, le risque en archéologie, c'est de surinterpréter les données. Ce qu'il faut savoir, évidemment, je vais prendre ma revanche parce que la Bible va donner plein de choses ensuite, hein, c'est la fin de notre duo. Avant cela, avant que la Bible soit écrite, c'est-à-dire la Bible, elle commence à être mise par écrit probablement vers le 8e siècle avant l'ère chrétienne. Elle est finie, alors ce que j'appelle la Bible, c'est la Bible hébraïque ou Ancien Testament, c'est la même chose. Les derniers livres, en fait, sont rédigés au milieu du 2e siècle avant notre ère, donc entre le 8e et le 2e siècle avant. On a des débuts, en tout cas, d'explications sur comment on considère le cadavre et quel sens on lui donne, parce qu'on veut répondre précisément à cette question, qu'est-ce qui se passe après la mort dans cette région-là, et on trouve des réponses différentes. Vous allez le voir tout à l'heure, c'est une réponse qui est différente du monde égyptien, qui lui est déjà très avancé en termes de mythologie. Là, on est dans ce qu'on appelle finalement en archéologie la thanatologie, c'est-à-dire archéologie, c'est-à-dire qu'on a un discours sur la mort, Thanato, et très clairement, si vous voulez, dans ce type de discours, évidemment, on a besoin d'éléments, notamment textuels, ou des inscriptions pour interpréter. Mais c'est les grands progrès de l'archéologie depuis, on va dire, une trentaine d'années, c'est-à-dire que les morts parlent beaucoup, plus précisément, les cadavres parlent beaucoup. Aujourd'hui, avec ce type de cadavre, vous êtes capable de savoir quel est le climat dans la région, de savoir exactement le régime alimentaire de la personne, comment elle a été tuée, pourquoi elle a été tuée, est-ce qu'on l'a sacrifiée ou pas, etc. Donc, autrement dit, on met au jour, si vous voulez, non seulement un cadavre, mais aussi tout un univers culturel qui, finalement, malgré l'absence de texte, peut être assez significatif. Malheureusement, pour la question qui nous occupe, finalement, c'est quoi la croyance après la mort ? Ce type de cadavre, il n'y a pas de rite, il n'y a pas de dépôt avec. On peut imaginer, par exemple, parce que ça existe dans d'autres civilisations, notamment dans le monde grec, même dans le monde phénicien, un petit peu plus au nord, vers le Liban actuel, qu'à ces époques-là, un petit peu plus tardivement, eh bien, on sacrifie un chien. Alors je sais qu'aujourd'hui, dans notre culture, ça semble un petit peu curieux, mais à ces époques-là, il n'est pas rare de trouver des tombes ou même des nécropoles de chiens. Donc on peut se poser la question, est-ce que finalement on a sacrifié un chien ? Autrement dit, est-ce qu'il y avait un signifié, si vous voulez, derrière cet acte, derrière le fait qu'on trouve ce chien très près du cadavre de cette femme. Malheureusement, on ne peut pas aller plus loin, c'est juste des hypothèses. En histoire, on fait beaucoup d'hypothèses. Et évidemment, je vais essayer de vous en dire un peu plus dans les diapos qui suivent. Les diapos qui suivent, alors là, on a changé complètement d'époque. On est au 19e siècle de notre ère, donc il y a un peu plus d'un siècle. On est dans la première représentation qu'on a dans le monde biblique. On a un mot dans le monde biblique pour dire ce qui se passe, où est-ce qu'on met le cadavre. Lorsqu'on le met en terre, on dit on le met dans le Sheol. C'est un mot en hébreu. Le mot Sheol, on ne sait pas très bien d'ailleurs d'où il vient, ça veut dire le monde souterrain. Alors là, évidemment, tout le monde a constaté que le cadavre était en terre. Mais la question, c'est de savoir comment le cadavre, et notamment la personne qui existait avant le cadavre, va continuer sa vie après la mort. Et donc, au XIXe siècle, on interprète ce qu'il y a dans la Bible hébraïque ou Ancien Testament. Ici, vous avez une interprétation qui est datée de la fin du XIXe siècle. Et comme souvent, eh bien, on transpose un petit peu les représentations de son propre temps. Et là, on voit bien que celui qui illustre cette image d'Épinal, je dirais presque, ça ressemble, va mettre en scène, vous voyez peut-être Goethe, l'écrivain allemand, Goethe, vous voyez toute une série de personnages, vous voyez Offenbach qui est en bas à droite en train de manger un cochon vivant. Donc autrement dit, c'est l'idée que dans le Sheol, tout se passe bien, tout le monde vit bien, on rencontre tout le monde, les VIP dont on parlait tout à l'heure, les personnes les plus connues. Et donc évidemment, c'est une représentation qu'on a à la fin du 19e siècle de notre ère. Inutile de vous dire qu'à l'époque biblique que j'ai située tout à l'heure, c'est-à-dire dans la deuxième partie du premier millénaire avant l'ère chrétienne, on a probablement des conceptions très différentes. C'est juste l'idée qu'on perçoit déjà l'idée que probablement il y a une vie après la mort. On sait qu'il y a, notamment dans le cadre des maisons, des cultes qui sont voués aux ancêtres, c'est-à-dire qu'on vient manger avec l'ancêtre. Pas encore tout à fait comme nous en Occident pour commémorer à une date précise, mais probablement qu'il y a toute une liturgie, tout un calendrier où on vient honorer le cadavre du défunt. Voilà un petit peu ce qu'on voit apparaître. Et alors, la question qui se pose, c'est peut-être l'interaction entre les morts qui vont être traités par des processus de momification et le monde des vivants. Quel dialogue il existe peut-être entre ces mondes ? Et qu'est-ce qu'il en est peut-être pour l'Égypte ? Alors, est-ce qu'on a des sources, des traces pour évoquer ça ? La place du mort, est-ce qu'il a une place à part ? Est-ce qu'il a une place qui est importante ? Et quel est le rôle des funérailles aussi pour la société des vivants ? Alors, on a longtemps dit que l'Égypte était un monde uniquement préoccupé de la mort, avec tous les restes qu'on conserve, des momies, des tombes, etc. En fait, il y a un lien très particulier entre les morts et les vivants, puisque justement, c'est plutôt l'idée de la vie qui transcende. On veut absolument lutter contre la mort, et c'est pour ça que la mort est aussi présente parmi les vivants, puisqu'il s'agit de garder le souvenir du mort vivant le plus longtemps possible. En fait, c'est une manière de lutter contre, et morts, défunts et vivants vont se trouver renvoyés en miroir dans des liens de ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle. Il s'agit d'aller au-delà du souvenir de la première génération et de maintenir justement certains morts exemplaires et leur mémoire dans ce qui est une certaine forme de conscience historique, même si la conscience historique est un peu différente en Égypte ancienne. Et cela commence dès les funérailles où le défunt est maintenu parmi tout son réseau de sociabilité, au milieu de sa famille, de ses proches, mais aussi des curieux, selon son statut dans la société, qui vont venir accompagner le transport du mobilier funéraire dans la tombe. Hein, c'est cette représentation que vous avez avec les pleureuses, toute une société. On va partager un repas funéraire tous ensemble. Et souvent, ce moment des funérailles est très important, puisque dans une société qui ne sait pas lire et écrire en très grande majorité, on estime à moins de 2% le pourcentage de lettrés en Égypte, c'est le moyen pour les prêtres de faire un apprentissage à tous les assistants des funérailles sur quelles sont les paroles à réciter, où est-ce que va se trouver la tombe, comment il faut faire les rites, des choses qu'ils vont pouvoir faire au moment des fêtes des morts qui ont lieu chaque année ou en marge de grandes fêtes de pèlerinage de Dieu qui se rendent jusque dans les nécropoles. Donc vous voyez que le mort ou le culte des morts est assez souvent réactivé tout au long de l'année. Et il va aussi prendre place jusqu'au cœur des maisons avec les cultes dans les foyers. mais aussi des temples, puisque le défunt, quand il en a les moyens, va obtenir de laisser une stèle ou une statue sur le parvis des temples et souvent l'inscrire de son nom et son autobiographie et parfois d'un texte qu'on appelle les appels aux vivants, où il interpelle, hein, il prend la parole sur sa statue pour interpeller ô vous qui êtes encore sur terre, vous les vivants, les survivants, prononcez mon nom et vous en recevrez des récompenses. Et en fait, il demande que soit réactivé son souvenir par l'émission d'une parole, et rien que le fait de provoquer par ce bruit qu'est la parole le souvenir, on réattire l'âme du mort dans sa statue, et donc il peut venir bénéficier des offrandes qui sont faites soit à son profit, soit au passage des offrandes pour le dieu. Donc c'est aussi une manière de dire que chacun va partager les mêmes valeurs, puisque le mort, si on maintient son souvenir grâce à ses statues, c'est qu'il a une vie exemplaire, donc c'est l'exemple à suivre pour les vivants, si on veut bénéficier soi-même d'un même souvenir éternel. Et donc la conclusion sentencieuse, souvent à ces formules, c'est de dire « agir pour lui, c'est agir pour soi, agissez pour moi, et c'est ainsi que vous agirez pour vous-même ». Et donc, c'est un certain partage d'une communauté de valeurs qui va transcender la mort. Tout le monde aspire à mener un bon banquet, à avoir des récoltes éternelles pour ne pas mourir de famine, une grande préoccupation dans cette antiquité et dans un pays désertique. Et bien sûr, si on peut passer un moment agréable, c'est-à-dire dans les marais à chasser et pêcher, personne n'est contre. Alors, côté de l'Israël ancien, c'est là où finalement la Bible hébraïque ou Ancien Testament va maintenant donner plus de détails, puisque je l'ai dit, vous avez ce terme de Sheol, et on commence à voir apparaître, à la fin de l'écriture de la Bible hébraïque, dans le livre le plus récent, qui est le livre du prophète Daniel. Daniel était considéré comme un prophète dans l'Antiquité. Donc on est au milieu du 2e siècle avant l'ère chrétienne. On voit apparaître l'idée que lorsque vous allez mourir, c'est le dernier chapitre, le chapitre 12, lorsque vous allez mourir, en fait, vous allez devenir une étoile. Ah, c'est bon. Donc vous allez briller dans le firmament et on va vous voir. Et donc se passe quelque chose de très important, c'est-à-dire que alors qu'on regardait jusqu'à présent le cadavre vers le bas, c'est-à-dire dans le monde souterrain, on l'avait enterré, il était là, on regardait vers le bas, on vouait un culte aux ancêtres dans le cadre de la maison, et bien d'un seul coup on regarde vers le haut et on regarde les étoiles, on regarde vers les cieux, donc d'un point de vue anthropologique, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un siècle avant, à la fin du 3e siècle avant l'ère chrétienne, est apparue de nouvelles idées dans le judaïsme ancien. Ces idées, on les appelle des idées apocalyptiques. Je sais que vous connaissez tous le mot apocalypse, qu'on utilise beaucoup. Au sens strict du terme, le mot apocalypse, ça veut dire révélation en grec, apocalypsis. Ça veut dire qu'en fait, à la fin du 3e siècle avant l'ère chrétienne, je reprends ce qu'a dit ma collègue, c'est-à-dire très peu de gens savent lire et écrire, c'est-à-dire c'est une élite, probablement dans le cadre du temple de Jérusalem, se dit, mais en fait, comment est-ce qu'on peut avoir de nouveaux contacts avec notre Dieu, le Dieu d'Israël ? Et dans les nouveaux contacts, on se dit que peut-être que Dieu nous parle, mais on ne l'entend pas ou on ne le voit pas. Donc on va rechercher toute une série de moyens pour savoir s'il n'y a pas des messages qui sont plus ou moins cachés, et qu'on n'arrive pas à interpréter depuis déjà plusieurs siècles. Et donc dans ces réponses-là, c'est à ce moment-là que vous voyez apparaître un être que vous connaissez aussi par cœur, c'est l'ange, qui va devenir un être très important, alors qu'avant c'était une sorte de reliquat du polythéisme qui avait survécu dans la région, donc qui ne servait pas à grand-chose. Donc l'ange réapparaît, devient même essentiel, tous les écrits vont le mentionner. Le livre de Daniel dont je vous parle, c'est la première fois où on va parler des anges Michel et Gabriel, par exemple. Et donc, on se dit, il faut des personnes, peut-être, qui nous guident et qui nous donnent le message de la révélation telle que Dieu l'a délivrée. Donc, l'ange, c'est un des moyens qui est choisi. Il y en a trois autres, si ça vous intéresse, je vous les donnerai tout à l'heure dans vos questions. Mais pour la question qui nous occupe sur la mort, c'est l'idée, probablement, que les anges vont non pas être en contact directement avec le défunt, mais les morts vont entourer Dieu, puisque Dieu reste dans les cieux. C'est-à-dire, dans le cadre de l'apocalyptique, on a l'impression que Dieu ne vient plus sur Terre. Dieu ne se manifeste plus sur Terre comme il le faisait avant dans l'histoire. Et donc, c'est l'idée, si vous voulez, que eh bien, les morts vont l'entourer pour à peu près les mêmes raisons que dans l'Égypte, mais dans un autre contexte. C'est-à-dire que le mort, évidemment, c'est quelqu'un qui devient exemplaire, c'est quelqu'un dont il faut entretenir le souvenir, et donc on le perçoit dans l'entourage de Dieu. Dans l'entourage de Dieu, il y a des anges, mais aussi plein d'étoiles. D'ailleurs, Dieu est capable de nous parler avec la course des étoiles. Vous vous souvenez que Dieu a créé les luminaires, le soleil, la lune, les étoiles. Et donc on interprète, avec beaucoup de retard, dans le judaïsme ancien, l'idée que la course des étoiles, qui peuvent être ces morts, eh bien, c'est un message que Dieu nous donne sur comment on doit vivre. C'est, vous le savez, lorsqu'on interprète la course des étoiles, c'est ce qu'on appelle l'astrologie. Ça s'appelle l'astrologie. Et donc l'astrologie s'est développée depuis très longtemps déjà en Mésopotamie, c'est-à-dire c'est l'Irak actuel, et on a l'impression que les prêtres du temple de Jérusalem, à partir de la fin du 3e siècle avant l'ère chrétienne, sont en train de reprendre et de décliner, selon leurs propres questions, finalement la course des étoiles et donc l'astrologie. Et donc je reprends le terme que j'utilisais tout à l'heure, il y a une forme de transfert culturel, parce que c'est pas juste reprendre des conceptions mésopotamiennes, c'est aussi les adapter au contexte. Et dans le livre de Daniel, probablement que cette notion d'étoile, c'est aussi l'adaptation à finalement l'astrologie à travers différentes questions, dont la question de qu'est-ce qui se passe après la mort. Et donc il y a une vie après la mort. Les meilleurs, nous dit-on dans le livre de Daniel, vont survivre après la mort, ils vont briller comme les étoiles. Et puis si on va un petit peu plus loin, alors c'est là où je prends ma revanche puisqu'on a plus de textes, Si on va un petit peu plus loin, en fait, on commence à voir justement cette idée d'un regard de ce qui se passe après la mort vers les cieux. Donc on commence à regarder en disant, mais que deviennent les morts? Certes, on les a enterrés, mais il y a peut-être une vie après la mort qui n'est pas une vie sous terre, comme on le pensait dans le Shéol, mais qui est une vie dans les cieux. Alors évidemment, ça vous dit quelque chose, parce que le christianisme va reprendre cette idée. Mais déjà dans le judaïsme ancien, on a cette idée-là qui apparaît pour les raisons apocalyptique que j'évoquais, c'est-à-dire qu'on pense que Dieu reste dans les cieux, donc s'il y a une vie après la mort, c'est autour de Dieu, donc c'est dans les cieux. Donc on commence à prier vers les cieux, à regarder vers les cieux, à envisager une vie après la mort dans les cieux. Et donc dans cette vie après la mort, se met en place une idée très importante, c'est que, c'est dans le livre des Proverbes, si vous allez vivre après la mort, c'est parce que vous avez fait le bien sur terre. C'est écrit dans le livre des Proverbes. C'est l'idée, je fais le bien sur terre, j'ai une vie après la mort, cette vie elle est dans les cieux. Le problème, à la fin du 3e siècle et au 2e siècle, vous avez certains milieux rédacteurs de textes qui disent « mais ça ne marche pas ». Il y en a un qui s'appelle le premier livre d'Enoch, il dit, quasiment comme je vais vous le dire là, de manière assez crue, « le pire des salauds vit aussi vieux que celui qui fait le bien sur terre ». C'est-à-dire tout le monde a constaté que celui qui fait le mal vit aussi longtemps. Et donc il dit, mais en fait c'est pas ça, c'est qu'on a mal compris, et on commence à voir apparaître des textes dans les tout derniers siècles avant l'ère chrétienne qui sont en train de dire, eh bien en fait la vie après la mort c'est pas parce que j'ai fait le bien sur terre que je vais vivre plus vieux, etc., mais c'est parce que j'ai fait le bien sur terre que j'aurai une vie prospère et heureuse après la mort. Donc on commence à voir apparaître, si vous voulez, un lien très clair entre je fais le bien sur terre, j'ai une vie bien heureuse après la mort. Cette idée, évidemment, elle sera reprise et déclinée dans le christianisme. C'est l'idée, très simplement, qu'à la fin des temps, on va vous juger, comme tous les morts, et ceux qui auront fait le bien, eh bien, vont vivre longtemps, et on va reprendre les mêmes symboles qu'en Égypte, avec la balance, on va peser, alors non pas encore votre âme, mais vos actions, pour savoir ce qu'il en est. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, le deuxième point, c'est que dans ce développement d'idées, eh bien, on va chercher, on va relire, en fait, tous les textes bibliques qui avaient été révélés par Dieu avant le début du 3e siècle. Et donc, on a un groupe, par exemple, dont on sait qu'il l'a fait de manière systématique, c'est ceux qui ont copié les manuscrits de la Mer Morte, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui ont été découverts entre 1947 et 1956. Et dans ces manuscrits de la Mer Morte, sur les 1000 manuscrits, il y a à peu près un tiers de manuscrits qui sont les plus anciens témoins physiques de la Bible hébraïque ou Ancien Testament. Et certains de ces textes, en fait, ne sont pas tout à fait les versions qui sont dans vos Bibles. Je vous ai mis un fragment ici, qui est un fragment du livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel, dans le chapitre 23, dit, mais en fait, pour des questions tout à fait pratiques, hein, le livre d'Ézéchiel, il est écrit au 6e, 5e siècle avant notre ère, Il dit, voilà, Israël a été détruite, Israël va être restauré. Et il y a une vision qu'on appelle la vision des ossements desséchés. Israël a été détruit comme, si vous voulez, le cadavre avait été éparpillé un peu partout. Progressivement, les morceaux vont se recoller, la chair va revenir, les tendons vont réapparaître. Et dans les manuscrits de la Mer Morte, on trouve ce fragment, mais qui n'est pas la version que vous connaissez, que je viens de raconter. C'est une autre version où on vous explique qu'en fait, ce n'est pas le corps politique, si vous voulez, Israël, l'institution, le pays, le groupe religieux, mais c'est chacun, chaque personne, qui va se retrouver reconstruite après la mort. C'est-à-dire que le cadavre, qui a pourri, qui est devenu un squelette, etc., eh bien, on prend conscience que le cadavre va finalement se recharner, la chair va réapparaître et vous allez pouvoir vivre comme quand vous étiez vivant sur Terre. Donc, bascule, si vous voulez, une idée très importante, c'est que qu'est-ce qui se passe après la mort ? Certes, j'ai une vie bienheureuse qui va se passer dans l'imaginaire, si j'ai fait le bien sur Terre, mais en plus, je vais pouvoir retrouver ma famille, mes camarades, tout le monde, etc. Et tout ça va très bien se passer, y compris mon corps. Donc on voit réapparaître une idée. La première idée, c'est d'abord la résurrection de ce qu'on appelle l'esprit. Alors je ne parle pas de l'âme, qui est un terme plutôt chrétien, ou grec d'abord, puis repris par les chrétiens. Mais la résurrection de l'esprit, c'est l'idée qu'après votre mort, votre esprit va continuer de survivre. Et puis cet esprit va retrouver son cadavre. Donc c'est aussi l'idée de la résurrection du corps qui va réapparaître. Ce que les chrétiens vont systématiser au début, c'est l'idée du relèvement, puisque c'est ce que veut dire le mot résurrection, non seulement de l'esprit, mais aussi du corps. Et donc là, la théologie chrétienne va développer, thématiser cette espérance en la mettant sur le devant. Dans le judaïsme ancien, on est encore au balbutiement, on est en train simplement de réfléchir, mais cette réflexion va amener progressivement un terreau favorable au christianisme. On parlait de dialogue au début de la question, et il y a peut-être des échanges, est-ce qu'il y a des lettres qui sont restées entre le monde des morts, le monde des vivants, et avec certains qui sont identifiés comme particuliers, comme désirables, non désirables, qu'on souhaite mettre en avant ou non? Alors, en Égypte ancienne, on a retrouvé une quinzaine d'exemplaires d'un texte qui a été identifié dans les années 1928 par des Anglais, et ils les ont appelés des lettres aux morts. Et vous connaissez peut-être, de manière indirecte, si vous avez lu « La mort n'est pas une fin » d'Agatha Christie, elle cite une lettre aux morts parce que Agatha Christie a œuvré dans ces années-là. Elle était mariée à un orientaliste et elle suivait de près l'actualité des découvertes archéologiques dans le monde égyptien, monde grec et biblique et oriental. Et donc ces lettres aux morts, on les a retrouvées pour la période qui couvre entre 2300 et 1800 avant notre ère. Et en fait, on revoit matérialiser ce lien de solidarité entre les vivants et les morts. Là, c'est des vivants qui écrivent à leurs morts proches en disant « Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu sais que ton boulot à toi, hein, c'est de nous protéger dans l'au-delà, parce que les deux mondes sont étanches. Donc le mort, l'ancêtre, est censé être vigilant qu'aucun autre mort dangereux, devenu dangereux parce qu'il n'aurait pas de culte funéraire, donc il ne serait plus rattaché à aucun foyer, et donc il commence à faire le mal sur terre auprès des vivants, parce que bien sûr il est en souffrance, il n'a pas son culte, et donc comme il ne veut pas être anéanti, il va essayer de trouver des victimes pour réattirer l'ascension, et donc les autres morts doivent veiller à leurs survivants sur terre pour éviter qu'ils soient attaqués. Donc là, dans ces lettres, ils disent, regarde, ta petite fille est malade, ton petit-fils ne peut pas avoir d'enfant, on a des problèmes économiques, du coup comment tu veux qu'on paye tes offrandes funéraires ou tes prêtres, hein. Des choses, ils attirent l'attention sur le fait sur des éléments qui peuvent mettre en péril le culte funéraire de leur propre mort à eux, pour dire, bon, nous on fait notre boulot de te faire ton culte, toi fais le tien de ton côté. Et donc c'est assez amusant, on a tout un type de panoplie différente, ces témoignages entre dialogues entre morts et vivants, notamment en passant par la magie, mais là c'est notamment une lettre qu'on va laisser dans la tombe à côté d'offrandes pour enjoindre le mort de faire son job. Vous avez l'équivalent On n'a rien du tout de cette sorte-là, puisque pour des questions de pureté, le cadavre, justement, ne reçoit pas véritablement de traitement, en fait. C'est-à-dire, ce qui importe véritablement, c'est le relèvement, c'est-à-dire la résurrection de l'esprit puis du corps. Et donc, il n'y a pas de rôle particulier donné ensuite. C'est l'idée, si je peux dire, beaucoup plus individualiste, probablement, que en fait, ça, la mort, c'est une affaire personnelle et plus véritablement familiale. D'ailleurs, il n'y a plus véritablement de culte des ancêtres. Nous, c'est aussi sans doute le symbole d'un régime totalitaire. Travailler sur l'idée de la mort, les cultes dans les tombes, c'est un élément pour faire tenir la société ensemble à travers des grandes réunions, des fêtes, des distributions de pain. C'est aussi une réalité politique au sens de gérer la police et la société, police au sens grec de la ville, etc. L'équipe du comité d'histoire régionale vous remercie d'avoir écouté Magic Histoire. Un grand merci à David Amidovitch, Vanessa Desclos et Pierre Suer. À très bientôt sur les plateformes pour de nouveaux épisodes.